ok. C'est l'autre fond ça. Dédicace à nos parents, à nos femmes, à nos amis, à tous ceux qui nous soutiennent réellement. À mon Mitchek, DJ Joe, DJ Soli, Marlon, pour ceux présents dans les meilleurs comme les pires moments. Ok, pour la mire, pour nos parents. Enzo, et bien sûr de petites femmes, département aussi, 44, à tous ceux qui sont participés à cet album, de près ou de loin, on vous remercie, comme Donzo, Aspect, Caris, Boyerzen, Belek, et l'au-delà, Mouché, Maté, Insensé, Vincenzo, Exilé, Paco, DR, Buffa, Maqué, Oscar, Caporal, RAF, Milo, casse-tête ou boycotter, à tous les rageux, grâce à vous on avance, dans le fond, c'est vous notre carrousel. Spécial casse-tête à tous les photos, ont déjà leur séjour réservé, côté.